Assis au bas-bout de la table, près de la porte par laquelle on servait, le père Goriot leva la tête, en flairant un morceau de pain qu'il avait sous sa serviette, par une vieille habitude commerciale qui reparaissait quelquefois. « Eh bien !» lui cria aigrement Madame Vauquer, d'une voix qui domina le bruit des cuillers, des assiettes et des voix. « Est-ce que vous ne trouvez pas le pain bon ?»« Au contraire, madame, » répondit-il. « Il est fait, avec de la farine des tempes, première qualité. »« À quoi voyez-vous cela ?» lui dit Eugène. « À la blancheur, au goût. »« Au goût du nez, puisque vous le sentez, » dit Madame Vauquer. « Vous devenez si économe que vous finirez par trouver le moyen de vous nourrir en humant l'air de la cuisine. »« Prenez alors un brevet d'invention, » cria l'employé au muséum. « Vous ferez d'une belle fortune. »« Laissez donc, il fait ça pour nous persuader qu'il a été vermicellier, » dit le peintre. « Votre nez est donc une cornue, » demanda encore l'employé au muséum. « Corps quoi ?» fit Bianchon. « Cornouille, cornemuse, cornaline, corniche, cornichon, corbeau, cornac, cornorama. » Ces 8 réponses partirent de tous les côtés de la salle avec la rapidité d'un feu de fil et prêtèrent d'autant plus à rire que le pauvre père Goriot regardait les convives d'un air niais comme un homme qui tâche de comprendre une langue étrangère. « Corps ? » dit-il à Vautrin qui se trouvait près de lui. « Corps aux pieds, mon vieux, » dit Vautrin en enfonçant le chapeau du père Goriot par une tape qu'il lui appliqua sur la tête et qu'il lui fit descendre jusque sur les yeux.